Chapitre 6e. Chevelure d'argent se leva et sortit du hogan avec le jeune homme qu'il soutenait. Le Navarro s'adressa ensuite à toute sa tribu rassemblée. « Navarro, voici Chien hurlant. Il restera avec nous autant de temps qu'il le voudra et nous l'aiderons. » Puis désignant à Patrick un petit groupe d'individus. « Voici l'arme de pluie et perle de lune qui veilleront sur ton bien-être. Derrière elle, tu peux voir mon fils aîné, bison ardent et saccadé, chien fou et loup fougueux. Si tu te conduis convenablement envers eux, ils t'aideront, sinon tu partiras, et jamais, jamais plus le nom de chien hurlant sera prononcé par les Navarros. » Patrick, encore très affaibli, s'affaissa, manquant d'entraîner le vieil homme dans sa chute. Aussitôt, les deux premiers fils du chef le transportèrent dans le hogan et l'allongèrent sur des peaux de bison, faisant office de couche. L'arme de pluie et perle de lune vinrent lui apporter de la viande de bison et des épis de maïs. Patrick sentit son estomac se soulever. Serait-il encore capable d'avaler quoi que ce soit un jour? Pensant à son amour perdu, à ses deux bambins joyeux, si pleins de vie et d'innocence, à tout ce que ces maudits chiens avaient détruit à tout jamais, des larmes libératrices lui vinrent aux yeux. Tout en essayant d'avaler quelques bouchées, il regarda enfin tout autour de lui. Les deux jeunes filles s'étaient accroupies dans un coin du hogan. Cette hutte de boue séchée que les Navarros construisaient en guise de tipi. Son regard glissa sur elle sans les voir vraiment. Il ne lui restait plus que la vision d'horreur de sa femme et de ses enfants massacrés. Les Indiens avaient décidément bien la réputation que les hommes blancs leur attribuaient. Mais que penser de ces Navarros qui avaient enterré dignement sa famille et lui avaient sauvé la vie? La vie. Pourquoi faire? Plus rien ne leur attachait à ce bas monde désormais. Pourquoi même essayer de continuer à vivre? Jamais plus il ne serrerait dans ses bras ceux qu'il aimait si fort. Jamais plus il ne retournerait en Irlande avec sa femme et ses enfants, y couler ses derniers jours paisiblement, comme ils en avaient fait le projet. À quoi bon vivre encore? Il voulait abandonner la partie, ne voulait plus jouer dans ce monde désertique de sentiments. Mourir, voilà ce qu'il voulait, qu'on le laisse mourir en paix. Il se laissa retomber sur la peau de bison qui lui servait également de couverture et ferma les yeux. Qu'on me laisse mourir en paix, pensa-t-il de nouveau. L'arme de pluie s'approcha doucement. Chien hurlant, pourquoi ne manges-tu plus? Tu n'aimes peut-être pas nos aliments. Je vais demander à Bison Ardent de chasser autre chose et... Non, répondit faiblement Patrick, c'est inutile. Jamais plus je ne mangerai. Chien hurlant, si tu ne manges pas, tu mourras. C'est tout ce que je souhaite. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. L'arme de pluie quitta le hogan et avec sa sœur alla trouver Chevelure d'argent. « Père, chien hurlant ne veut plus manger. Je sais, ma fille, je sais. Mais il ne faut pas, il va mourir. Nous devons savoir pourquoi le grand esprit nous l'a envoyé. » « L'arme de pluie, dit le vieil indien, tu ne te souviens plus, tu étais si jeune alors. Quand ta mère est morte sous les balles des premiers hommes blancs, je me suis précipité en avant. Pas seulement par désir de vengeance, non. Je voulais la rejoindre. Chien hurlant a sûrement le même désir. Tu sais, ma fille, ce qui m'a retenu de faire ce geste suicidaire, juste à temps. Le grand esprit. Non, ton grand-père, vieux sage, qui mérite si bien son nom. Il m'a dit, fils, écoute, tu as 5 enfants au camp. Je commence à vieillir et ne pourrai m'occuper d'eux. Ils sont si jeunes encore. Aide-les à grandir, ta femme l'aurait voulu ainsi. Pensant alors à mon aimée, j'ai renoncé à la rejoindre pour vous. Depuis, bien des lunes se sont succédées. Je suis devenu le chef de la tribu. J'ai compris où était mon devoir. Je retournerai voir ma femme quand l'heure sera venue. Mais vois-tu, chien hurlant a non seulement perdu son aimée, mais aussi ses enfants. Et seul, il veut les rejoindre. Je ne peux l'en blâmer ni l'en empêcher. Je connais sa douleur. Il faut laisser faire le temps. L'arme de pluie ressortit du hogan de son père, se tournant vers Perle de Lune, sa sœur. Nous ne pouvons laisser faire ça. Il faut le sauver malgré lui. Je vais mettre l'herbe qui endort la conscience dans son eau et nous essaierons de le faire manger. Père t'a demandé de laisser faire le temps. Je ne sais pas si ce que tu veux est bien. Je le ferai quand même. Père avait grand-père pour l'aider quand il souffrait. Chien hurlant, lui, n'a plus personne. Et pourquoi l'avoir amené ici si c'est pour le laisser mourir? Je vais aussi retourner dans la prairie au bison. Tu sais, il n'est pas habitué à notre nourriture. Je trouverai peut-être quelques poules et des œufs. Tu es folle, tu ne vas pas retourner là-bas. Il y a peut-être encore des Apaches. Non, nos frères ont vu les Apaches se sauver face aux hommes blancs portant des bâtons de feu. Ils étaient aussi nombreux que les épis de maïs dans les champs. Il n'y a plus personne là-bas, sauf peut-être l'esprit de sa femme et de ses enfants. Il faut que j'y aille. M'accompagneras-tu? Oh, il vaut mieux que tu restes ici, reprit-elle en changeant brutalement d'avis. Si père demandait où j'étais passé, tu lui dirais que tu ne sais pas. Je t'en prie, perle de lune, il le faut. Fais-moi confiance, supplia-t-elle. Devant tant de suppliques, perle de lune ne put qu'acquiescer. Sa sœur n'était-elle pas sage, elle aussi? N'avait-elle pas hérité des visions de leur mère? Combien de fois n'avait-elle pas entendu son père chevelure d'argent louer son aimée, disant qu'elle lui disait toujours quoi faire au bon moment? Elle avait sauvé la tribu combien de fois en prédisant ce qui arriverait? L'arme de pluie avait finalement hérité du don de leur mère qu'elle reçut elle-même du grand esprit. Elle ferait donc ce que sa sœur lui demandait. L'arme de pluie courut à perdre haleine. Maudit stupide volatile, grogna-t-elle après avoir finalement réussi à attraper deux poules perdues qui faisaient bombance dans un champ de blé. On y voyait comme en plein jour. La pleine lune éclairait le paysage et juste un petit nuage de temps à autre jouait à cache-cache avec l'astre nocturne. Elle s'assit après avoir attaché les pattes des poules ensemble, devant les ruines calcinées de la maison des Emerson, et pria pour que le grand esprit la guide. Une voix douce, aérienne, lui parvint. Larme de pluie, tu es bonne et belle. Je sais ce que tu fais pour mon mari, et j'aimerais te demander de l'aider encore davantage. C'est un homme merveilleux. Il faut qu'il le reste. Et ce sera fait grâce à toi et ta tribu qui l'avez sauvé. Je vous aiderai au mieux que je pourrai. Merci, larme de pluie, mais ses enfants aussi vont lui manquer. Désormais, il est seul. Cependant, je connais le sentiment qui anime ton cœur. Tu seras comblé, crois-moi. Continue juste dans la même voie. Je t'accompagne. La voix se tut enfin. L'arme de pluie se releva en titubant. Avait-elle réellement entendu la voix de la femme de Patrick? C'était donc son devoir à présent de le choyer? Au fond de son être, elle savait qu'elle ferait tout pour cet homme. Déjà, quand ses frères l'avaient ramenée au campement inerte, elle avait ressenti une grande douceur en son cœur. Se pouvait-il déjà qu'à ce moment-là? De retour à son hogan, elle prépara avec beaucoup d'attention les herbes, les racines, qu'elle broya si finement qu'elles ne devinrent que poussière. Elle fit chauffer la mixture et filtra le tout avant de la mélanger à de l'eau claire et pure. Cela n'avait aucune saveur, mais le résultat serait probant. Le plus difficile serait de la faire avaler à Patrick. Elle alla puiser une cruche d'eau fraîche, ajouta les plantes, et se dirigea vers le hogan de chien hurlant. Celui-ci était immobile, les yeux figés, regardant le vide. Voilà un peu d'eau fraîche, d'eau bien fraîche. Je suis allée la puiser moi-même. Quelques gorgées te feront le plus grand bien. Oh, je suis allée aussi chercher les poules. Cet animal est stupide, heureusement. Tu auras des œufs, plus qu'il n'en faut, d'ici quelques jours. Patrick ne bougea pas un cil, ne répondit même pas. L'arme de pluie s'en retourna à son hogan et décida de faire un abri pour les deux poules. Il se passa 3 jours avant que Patrick ne daigne prendre quelque nourriture. L'arme de pluie constata que la cruche d'eau était vide. Il paraissait plus détendu, plus calme, et surtout il obéit à ses prières, il mangea. Ses frères, après avoir constaté son escapade, lui avaient ramené 6 autres poules, et elle avait pu lui en préparer une autre. L'arme de pluie se demanda combien de temps il lui faudrait donner à son eau à boire à l'homme blanc, et combien de temps encore celui-ci resterait prostré ainsi.